quoiqu'il en fût du singulier hasard, Hugues s'abandonna désormais à l'enivrement de cette ressemblance de Jeanne avec la morte. Comme jadis, il s'exaltait à la ressemblance de lui-même avec la ville. Fin du chapitre 6 de Bruges la morte. Lu par Ezoie, en Belgique, le 21 juillet 2009.